little mirror say what's up. What's up, what's up, what's up. Du Beyoncé sur Skyrock, extrait de son dernier album Lemonade, toujours dispo. Un son reggae, il s'appelle Hold Up, qu'on vient d'écouter sur Skyrock. Et rappeur Elvin Unstop, la suite avec PNL de prévu, avec Drake pour One Dance. Et l'un des nouveaux morceaux de Soprano, découvert ici sur Skyrock, qui annonce le nouvel album prévu pour la rentrée. On l'écoute en feu sur Skyrock. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir j'suis le prince de la vie. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. J'suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car. J'suis en feu. Sors de la piste, je fais une grande écart de Vanda. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regarde. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. J'suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. J'suis en feu. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. J'suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. J'suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir j'suis John Covey. J'suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. J'suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. J'suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer.